histoire particulière. Il est le plus sage des maîtres Jedi et a formé un grand nombre de ceux-ci jusqu'à devenir lui-même grand maître de l'ordre Jedi. Qui ne rêve pas d'assister à ses formations, de se nourrir de sa sagesse et de la pensée du côté clair de la Force? Les conseils avisés de Yoda n'ont pas de prix. Cher petit Padawan, il ne tient qu'à vous de développer vos capacités exceptionnelles dont vous êtes porteur. Vous savez, le fameux taux de midi-chlorien qui indique vos aptitudes de Jedi. Yoda, en vous, va les trouver et les développer. Cela commence par une leçon, puis par comment trouver la voie vers la jeunesse éternelle. C'est ce que nos deux maîtres de l'esprit vont nous apprendre tout de suite dans le premier épisode. Une histoire particulière, les maîtres de l'esprit. L'histoire du Kyaï ou le cri qui tue, un documentaire de Delphine Chaume et Laurent Palleré. Voilà. C'est plutôt un cri qui fait peur, c'est un cri qui paralyse parce qu'il fait peur. On est plutôt dans la neutralisation. On parle aussi du cri qui paralyse. Le Kyaï, je ne sais pas, ce que je sais c'est que lorsqu'on libère une énergie, souvent on crie parce que ça permet de... Ça accompagne l'expulsion de l'énergie. Maintenant, je n'ai jamais personnellement rencontré de gens qui puissent vous paralyser. Si, ma voisine. Mais... mais à part elle... je vois pas. Pas le cri qui tue, hein, c'est le poing ou le pied, hein, ou le sabre. Donc, c'est ce qu'on entend parfois comme étant le cri qui tue. Donc, c'est ce qu'en japonais on va appeler le kai. Donc, le kai, littéralement, c'est l'union des énergies. C'est l'élan de la concentration, c'est l'expression de la concentration à la fois intellectuelle et physique sur un objectif particulier, et ça jaillit. Toute notre puissance de concentration physique, intellectuelle, va jaillir sur un point, un moment particulier. C'est une légende, même au Japon c'est une légende. C'est une légende qui apparaît au 16e ou 17e siècle au Japon, d'un maître qui, en poussant un cri inaudible, tue un scorpion face à son adversaire, qui bien sûr, pris de terreur, s'enfuit. Et donc ça parcourt. C'est un mythe qui fait que même à cette époque-là, au 16e ou 17e siècle, des combattants cherchent des maîtres qui posséderaient ce savoir ultime. C'est ce qu'on va retrouver après jusqu'à Bruce Lee, où les plus complotistes d'entre nous, ils pensent que Bruce Lee a été tué parce qu'il connaissait le secret de ce cri. Voilà. C'est évidemment un mythe. Ça symbolise aussi sans doute la quête de la maîtrise absolue. C'est les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est un mythe et en même temps c'est le symbole de à quel niveau de maîtrise peut arriver un maître. La maîtrise du cri rejoint sans doute l'attraction mortelle du chant des sirènes, dans l'épisode bien connu de l'Odyssée. Une séduction irrépressible parce qu'elle provient d'un monde inconnu, témoin des tréfonds de l'âme, messagère du monde des morts. Symbole aussi de la frontière qui existe entre les vivants et les morts, entre les dieux et les mortels, le cri révèle le passage qui mène d'un monde à l'autre. Mais le cri, c'est une des formes de l'utilisation du son à des fins guerrières. Je me souviens, petite, d'avoir été terrorisée par ces déflagrations violentes des avions passant le mur du son. J'imaginais alors l'avion se fracassant sur un mur invisible pour pouvoir passer de l'autre côté, un espace mystérieux, sorte de trou noir ouvrant vers l'inconnu. En ce moment même, l'armée américaine développe un dispositif laser qui dirige à distance des cris stridents sur l'ennemi, le laissant étourdi et désorienté. Alors il y a la mythologie, donc il y a cette vision fantasmatique du Kyaï, qui serait un cri qui à lui seul suffirait à paralyser ou à tuer son adversaire. Et puis il y a le Kyaï dont utilisent les karatékas par exemple, et qui est en fait une expulsion de l'énergie pour permettre une explosivité plus grande, en fait, qui est une concentration, une expulsion de l'air avec un cri. Ça rejoint aussi sans doute les chants guerriers des All Blacks. Enfin, il y a tout ça autour, une espèce d'utilisation du cri primal, enfin de quelque chose qui est censé à la fois libérer celui qui le pousse et effrayer celui qui le reçoit. Quand on crie en même temps qu'on, qu'on pratique un mouvement, on sent bien que ça libère de l'énergie. Et puis il y a le mythe qui serait que rien que ce cri fendrait des briques, tuerait des adversaires. Voilà. Mais c'est des choses qui ont perduré dans l'imaginaire avant que le judo arrive en Europe. Vers la fin du 19e siècle, il y avait déjà le jujitsu. On le retrouve dans toute la fantasmatique populaire. Bon, il y a les affiches qu'on voit à Paris. Alors, c'est essentiellement à Paris. On voit des bourgeoises belle époque en robe, parce qu'elles pratiquent le jujitsu, sur les affiches, se débarrasser de voleurs avec deux doigts. On est purement dans le fantasme. On est tellement dans le fantasme que quand les gens viennent pour... parce que ça m'arrive parfois en me disant, bah, moi je viens, souvent ce sont des femmes qui me disent, ouais mais moi je voudrais, parce que si je suis agressé, vous comprenez, je voudrais pouvoir faire du judo. Alors je dis, ah d'accord, mais vous êtes souvent agressé? Ah non, je suis pas... Ah bah non, heureusement, mais bon, on sait jamais. Mais vous avez été agressé combien de fois? Ah bah je suis pas agressé, mais au cas où. D'accord, au cas où. Et vous avez déjà glissé sur une crotte de chien? Ah oui, ça m'arrive. Ah oui. Et alors, bah, je me suis cassé le poignet. Ah d'accord, oui. Vous êtes tombé au ski aussi? Ah oui, au ski aussi. Et vous êtes blessé? Ah oui, d'accord. Et dans votre baignoire, etc., etc. Et en fait, on s'aperçoit en fait que la chose la plus dangereuse dans notre environnement actuel, c'est le fait de tomber sans y être préparé. Et si on regarde les statistiques, c'est ce qui est le plus invalidant. Donc je dis aux gens, bah, on va peut-être traiter ce qui est le plus dangereux pour vous, c'est-à-dire la chute sur la crotte de chien, et puis après on verra comment être super fort quand on se fait attaquer par un malfrat ou par 10 malfrats, pourquoi pas, hein, pendant qu'on y est, dans le métro, dans le RER. C'est toujours la même chose, hein. Il y a un problème de sécurité, un problème de sentiment d'insécurité. Si on prend juste cette année, il y a une philosophe, Elsa Dorlin, qui a écrit un livre sur l'autodéfense, qui suivait le mouvement MeToo, où c'était la question, est-ce que les filles doivent apprendre à se défendre, est-ce qu'elles peuvent, est-ce qu'il y a des choses qui vont leur permettre de lutter contre leurs agresseurs. Les origines du Kung-Fu, en tout cas comme on les voit en Chine, au milieu de l'époque moderne, c'est comment les paysans désarmés, non éduqués, n'ayant pas accès à l'apprentissage des armes, du sabre, développent une technique de combat pour se défendre. C'est toujours la même chose en fait. Au Japon, c'est plus compliqué puisque c'est essentiellement les samouraïs, donc c'est une caste de guerriers qui appartiennent à des seigneurs, sauf à être un renan, à être un errant, mais c'est pas le peuple, quoi. Enfin, c'est pas les défenseurs du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. C'est des guerriers. C'est des guerriers qui défendent un seigneur. Mais c'est quand même essentiellement ça. Par quels moyens on est moins inquiet face à un monde qui nous menace? L'objectif, si vous voulez, pour moi, il n'est pas d'être un surhomme. Je prends toujours cet exemple, toujours ce qui vient à l'esprit, je dirais, c'est plutôt les sept samouraïs. Vous savez, dans les sept samouraïs, il y a Mifune qui fait rentrer les apprentis samouraïs. Et puis dans la salle où il est, où il trône, derrière la porte, il y a un gars avec un gros gourdin. Alors le premier qui rentre, il se prend le gourdin sur la tête. Le deuxième qui rentre, avant que le gourdin ait pu être asséné, il a dégainé son sable et coupé le gourdin. Et le troisième qui arrive regarde et dit « Je préférerais qu'on discute dehors. » Je pense que l'homme intelligent et l'homme sage, c'est celui qui ne se met pas justement dans cette situation-là. On est toujours tenté, j'ai envie de dire, surtout en Occident, d'aller vers des sortes de solutions rapides. Recette rapide, on aimerait la recette miraculeuse de quelque chose. quand en Occident on a commencé à avoir ces petits jujutsuka là d'un mètre 60 qui arrivaient et puis qui mettaient tout le monde, les boxeurs, les lutteurs, etc., par terre, on s'est dit c'est magique. Mais au lieu de comprendre que derrière il y avait des années de travail, on s'est dit il y a un truc. Et on veut choper ce truc. Quand on a vu que effectivement, bah, ils étaient que les karatékas ou les kendokas, ou même, même si dans le judo, hein, le kai n'existe pas, mais c'est un peu arrivé sur, notamment effectivement sur les atemi ou des choses comme ça. Bah, ces petits bonshommes là qui, bah, tout d'un coup, bah, ils se concentraient complètement. Et puis il y avait au paroxysme de leur concentration et au bon moment, ils frappaient et ça s'accompagnait du cri et l'autre tombait. Ils sont, au lieu de se dire, mais en fait c'est tout le travail en amont, c'est tout le timing, c'est toute l'action qui précède, etc. En fait, on a pris la conséquence pour la cause. Donc on s'est concentré, on dit en fait c'est le cri. Ah, si le mec il crie, le scorpion il tombe à l'autre bout de Paris là-bas. Peut-être que ça existe. Moi, je vois des difficultés que les années qu'il faut pour réussir à faire tomber quelqu'un. Faire tomber quelqu'un avec un cri, je veux bien, mais je pense que si on a. Enfin, donc, je pense que c'est ça, cette confusion totale entre la conséquence et la cause. Et puis le fait, cette recherche de solutions à bas coût, quoi. Au lieu de se dire, ah bah, mais les gars, quand même, je vais aller travailler 40 ans. Pour faire un truc super subtil là comme ça pour être dans le temps, machin truc. Non, et dis-moi comment tu cries et puis je vais faire tomber l'autre. Voilà, donc il y a pour moi il y a ça, il y a cette confusion initiale. Alors, neutraliser son adversaire par un cri ne serait qu'un fantasme. Faudrait-il être une sorte de surhomme pour le maîtriser? Pourtant, il me semble avoir bien souvent rencontré des histoires de ce type de cris dans mon enfance. Je me souviens vaguement d'un épisode des Chevaliers du Zodiaque, ce manga diffusé par le Club Dorothée, dans lequel un des chevaliers émettait un cri qui faisait saigner les oreilles de son adversaire. Mais ce cri ne serait-il pas aussi l'apanage de certains super-héros de la galaxie Marvel? Alors effectivement, il y a un ensemble de personnages qui sont concernés effectivement par le cri comme pouvoir, des gentils et des méchants. Et je pense que du point de vue des comics, c'était assez intéressant d'avoir des héros qui avaient un pouvoir concentré dans la voix. Parce que à représenter, c'est un peu une gageure, de représenter le son comme pouvoir. Et on devait s'attendre à ce que dans la panoplie, dans l'éventail de tous les super-héros qui ont de multiples pouvoirs, il y en ait quelques-uns. Les scénaristes expérimentent l'idée de donner à la voix un pouvoir particulier. Alors on pense tout de suite par exemple à un personnage, à un des X-Men, qui s'appelle le Hurleur en français, et qui en anglais s'appelle Banshee, qui est le nom d'une créature irlandaise, qui est une sorte de démon irlandais qui annonce la mort, et dont le cri annonce la mort. Ce qui est un peu sinistre, qui correspond pas tellement au personnage de Banshee, qui lui est effectivement un pouvoir de cri, qui lui permet de maîtriser les ondes dans lesquelles de l'air ambiant, et qui peut voler, qui peut se protéger grâce à ce cri, et qui puis pousse une espèce de rayon irradiant de son qui peut avoir des effets très destructeurs. Donc ça, c'est comme quand vous m'avez parlé du cri qui tue, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à ce personnage, le Hurleur, qui est pas forcément le plus connu des X-Men, mais qui est quand même assez connu. Sinon, j'ai aussi pensé à un personnage des années 70, un ennemi de Daredevil. J'ai même retrouvé le Strange numéro 97 dans lequel cette aventure avait été publiée, et il s'appelle Hangar le Cri. Alors lui, c'est un méchant. Vous voyez, il a une tête de hippie des années 70. Il a quand même un pouvoir très spécial, c'est que quand il crie, il suscite chez ceux qui entendent son cri des hallucinations psychédéliques. Voilà. Mais alors heureusement pour Daredevil qui l'affronte. Alors Daredevil n'est pas sourd, mais il est aveugle. Mais comme il est aveugle, il peut pas tout à fait être sensible aux hallucinations de la même manière, et donc il est un peu prémuni contre les pouvoirs de Hangar le Cri. Et c'est pour ça qu'il arrivera à le vaincre. Mais enfin, c'est assez intéressant cette idée d'une espèce de cri qui suscite des images. Et là encore, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à creuser sur la représentation du cri visuellement, dans les comics. Et là, ils l'ont traduit de cette manière-là. Il y a un numéro de Docteur Strange dans lequel il affronte vous voyez, je l'ai retrouvé aussi, dans lequel il affronte un maître de Kyai, alors qui n'est pas un personnage, qui n'est pas devenu ensuite un personnage récurrent de la galaxie Marvel, mais qui donne lieu à cet épisode assez, je sais pas, j'ai l'impression assez célèbre, en tout cas qui m'avait marqué, qui s'appelle Cry of the Spirit. On voit, et du coup, on voit ce personnage affronter Docteur Strange, et donc c'est deux pouvoirs mystiques en quelque sorte, deux pouvoirs orientaux qui s'affrontent, puisque Docteur Strange c'est le maître des arts mystiques qui a appris ses pouvoirs au Népal, etc., et qui rencontre un maître japonais d'un autre art oriental. Et on pourrait penser, disons, que la magie est beaucoup plus forte que le cri qui tue, mais justement, ce que raconte la bande dessinée ici, c'est que ce Kyai, en fait, est une maîtrise de l'énergie tellement, tellement puissante qu'elle peut même affronter la magie et briser les boucliers magiques de Docteur Strange. C'est une modalité d'un pouvoir sur les radiations et qui est quelque chose qui est important dans l'univers des super-héros, en particulier les super-héros qui ont été créés dans les années 60. Je disais, ils sont tous fils de la bombe. Ils naissent, pour beaucoup d'entre eux, d'un imaginaire autour de des radiations nucléaires et électromagnétiques. On a toute une gamme de super-héros, à commencer par Spider-Man, hein, qui est piqué par une araignée elle-même radioactive. Hulk, qui est lui aussi la victime en fait d'une explosion nucléaire et qui subit les radiations, et c'est pour ça qu'il se transforme en Hulk. D'une certaine manière, les X-Men, qui sont des mutants, ça n'est pas exactement dit, mais on peut supposer que s'il y a cette mutation dans l'humanité qui leur confère des pouvoirs, c'est parce que l'humanité a été soumise à un nouveau régime, le milieu a changé et ça a produit des mutations dans l'humanité. Alors qu'est-ce qui a changé dans les années 60 ? C'est précisément l'avènement du nucléaire. Les radiations sont quand même à l'origine de beaucoup de pouvoirs des super-héros. Et ça correspond aussi d'ailleurs à un changement dans la conception qu'on a de la matière à cette époque-là, enfin en fait avant, dès les années 30. Vous connaissez peut-être les théories de Breuil sur la lumière et le fait que, avec la physique contemporaine, considère que la lumière peut être pensée aussi bien en termes d'ondulation qu'en termes corpusculaires. Et je pense que cet imaginaire de la matière, repris par des auteurs de science-fiction qui sont les inventeurs des super-héros, rejaillit sur l'imagination qu'ils ont eue sur des ondes, à la fois des ondes qui vont transformer les hommes et leur donner des pouvoirs, mais aussi, il y a aussi l'idée que celui qui peut maîtriser les ondes maîtrise le réel même, puisque l'onde, c'est finalement la structure fondamentale de la matière. Et il me semble que de ce point de vue-là, le cri qui tue joue un rôle fondamental, en quelque sorte, vraiment paradigmatique, c'est que le cri, c'est, ou la voix, c'est l'organe par lequel l'homme maîtrise des ondes. Voilà. D'où cette idée d'un personnage comme Angar le Cri, dont les modulations créent des visions, c'est-à-dire finalement créent une vision du réel. Oui, c'est ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est de l'ordre presque du divin. Le cri qui tue, ça toucherait presque au divin, mais comme le marteau de Thor ou la foudre de Zeus, ou voilà, c'est quelque chose qui échappe au monde humain. J'ai envie de dire, même si j'imagine que d'un point de vue scientifique, c'est pas du tout l'image ne... Je ne veux pas, mais des masses d'air de polarités différentes, et tout d'un coup, donc on peut être là-dessus sur les différentes énergies, ben on n'arrive pas à se concentrer, on est ben, physiquement, intellectuellement, on est sur des masses d'air qui sont pas pareilles, et tout d'un coup, eh bien, il y a la friction, l'éclair, le tonnerre, et tout est rééquilibré. Le Kai, c'est ça finalement. C'est tout d'un coup, on est tiraillé par différentes choses, physiquement, intellectuellement, et tout d'un coup, le Kai recentre tout ça. Cette expression, ça c'est pas le Kai. Le Kai est l'expression de ça, de cette tout d'un coup concentration, réunification de nos énergies. De ça. Kai, ça peut être aussi hein, dans une acception différente, ça peut être aussi l'humeur ou la relation entre deux personnes. Un moment, union, concentration et voilà quelque chose qui s'exprime au travers du cri. Il y a une histoire qui est assez célèbre, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais un maître de thé qui assistait à une représentation de Nô, il me semble, donc, enfin, un art de la scène. Il se passe le spectacle, et puis tout d'un coup, parmi les spectateurs, ce maître de thé qui pousse un kiaï. Et en fait, après le spectacle, si on dit, mais ça va, il vous a pas dérangé Et donc l'acteur qui dit, mais non, au contraire, j'étais dans une phase de trouble, de déconcentration, et son kiaï m'a remis dans le bain, quoi, m'a reconcentré. Donc voilà, c'est cette union qui est en soi, mais qui peut être aussi entre différentes personnes, qui recrée l'harmonie. Pouvoir des ondes et cette représentation du réel comme onde, il modifie assez fondamentalement une certaine philosophie du combat. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment pas étonnant que le cri qui tue naisse dans le contexte du judo, de l'aïkido. L'idée qu'on contrôle les ondes, ça veut dire aussi l'idée qu'on s'intègre dans un flux. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas quelque chose qui est ancré exclusivement dans un sujet qui serait fermé sur lui-même et qu'il projetterait vers l'extérieur comme une arme, comme un pistolet tout simplement. Mais le réel pouvoir vient du fait qu'on maîtrise un flux dans lequel on est capable de s'intégrer et dont on est capable de maîtriser les effets précisément parce qu'on s'y intègre en quelque sorte de manière harmonieuse. Et l'ennemi, c'est celui qui va faire un faux pas, c'est celui qui ne va pas être en phase avec l'onde. Il s'agit d'ondes, et il s'agit donc de phases, et il s'agit de coordination. Et donc la défense peut devenir offensive, mais sur les défauts de l'adversaire, plus que simplement en l'agressant ou en le détruisant. C'est-à-dire qu'on a un modèle, disons, d'une mécanique ondulatoire et non pas d'une mécanique corpusculaire, une mécanique qui n'est pas une mécanique de l'affrontement, front à front et du choc comme ça direct, mais plutôt de l'enrobement de l'adversaire et de son déséquilibre. Le cri englobe l'adversaire, c'est le pouvoir de la douceur, une arme à l'image du bouclier de Captain America, une arme ronde, à la fois défensive et offensive. Le cri est profondément ambivalent, c'est ce qui en fait toute la richesse. Il est entre l'humain et l'inhumain, la voix étant ce qui définit le mieux une personne et ce que l'on perd le plus rapidement lorsqu'elle a disparu. Précisément, le héros n'est pas une machine. Il peut symboliser ce à quoi l'homme pourrait parvenir s'il poussait au maximum ses capacités. Le cri peut être assimilé à une sorte de cri de révolte. C'est un petit peu parfois ce qui reste quand le dialogue a échoué, quand on ne peut plus argumenter, ou quand on ne peut plus charmer. Il ne reste plus en quelque sorte que cette violence du cri. C'est vrai que beaucoup de super-héros émergent sur le fond d'une discrimination qu'ils ont subie, d'un traumatisme qu'ils ont subi. Ils cherchent à compenser quelque chose. En revanche, il me semble que pour que le super-héros devienne super-héros, il ne faudrait pas qu'il soit limité à cette espèce de cri de révolte, à ce cri de rage. Pour qu'il devienne super-héros, il faut qu'il canalise la violence qu'il a subie et qu'il veut rendre au monde, en fait. Hein, mais il faut qu'il la canalise, justement, pour passer de la vengeance à la justice. Et celui qui ne parvient pas à canaliser cette violence, donc si on suit la métaphore du cri, à construire son cri pour que ce cri devienne quelque chose finalement de fécond ou de productif, celui qui n'y parvient pas, c'est celui qui reste un méchant. Ou alors, sur la limite entre le méchant et le gentil, par exemple, Hulk. Hulk, c'est typiquement le héros C'est l'innocence de la révolte et qui s'exprime effectivement dans des hurlements. Enfin, lui, il fait surtout peur à cause de sa masse musculaire et de sa couleur verte. Il a pas de pouvoir dans son cri, mais par contre, le hurlement de Hulk est quelque chose qui est souvent mis en scène au cinéma ou dans les comics. Dans Pif Gadget, dans les années 70, le Docteur Justice, il est 5e, puis 6e, puis 7e, puis 8e, puis 9e dan de judo et karatéka. Et il maîtrise le cri qui tue. On est dans l'après-Algérie, donc vraiment à la fin de la décolonisation. Et on sent bien qu'il dénonce le colonialisme. Il peut y aller, puisque de toute façon, la question en France est résolue. On a enfin décolonisé. On a enfin. Donc on a un héros qui parcourt le monde, l'Afrique, l'Asie, et qui défend les faibles contre les méchants et qui maîtrise le cri qui tue. Alors il tue pas les gens, il les paralyse. Après, ce qui est aussi très intéressant dans cette idée du Docteur Justice, quand on regarde Docteur Justice, alors évidemment aujourd'hui ça fait sourire, hein, mais bon, alors déjà le nom, on voit bien l'idée, c'est presque 15 ans avant le code moral, mais quand même le judoka, justice, etc. Et c'est le gars, c'est médecin, pas seulement médecin, c'est médecin humanitaire, il va défendre la veuve et l'orphelin à peu près partout sur la terre, et il utilise le judo quand il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le judo en France ? Et c'est pour ça qu'on nous apporte encore, qu'on nous amène les enfants, c'est que c'est la méthode de l'homme éduqué. C'est pas celle du chiffonnier qui va se rouler par terre. C'est celui qui est éduqué, qui est noble, qui se tient droit, et qui, quand il n'a pas le choix, quand il a épuisé toutes les autres ressources, si ça devient physique, ça devient physique, mais ça devient pas vulgaire. C'est-à-dire que c'est par la technique, non par quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qu'on a appris par une acquisition, qu'on trouve la solution et qu'on se relève, ou justement, c'est pas rouler par terre, mais qu'on garde notre chemise impeccable et notre pantalon pas déchiré, parce qu'on s'est pas roulé dans la boue, on s'est débarrassé du vulgaire par la technique, par l'éducation, sans avoir à se vautrer dans la fange. Bruce Lee, il y a une histoire qui est assez édifiante. À la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, à Mostar, où les communautés bosniaques, serbes, croates se côtoient, on a cherché un symbole pour symboliser cette paix. Et donc ils ont fait une enquête auprès de la jeunesse. Et ils ont proposé Gandhi, ils ont proposé plein de figures comme ça. Et les gamins ont dit Bruce Lee. Et donc il y a une statue de Bruce Lee au milieu de Mostar. Il a juste eu un souci, c'est quand même à un moment donné, il y en a qui se sont demandé où il dirigeait son nunchaku, vers quel quartier. Et donc il a fallu réfléchir à son positionnement, parce que quand même il y en a qui disaient, mais attends, il n'est pas en train de menacer, mais c'est quand même, je trouve drôle que pour les gamins, l'incarnation, le super-héros, c'est soit Bruce Lee, quoi. Un sino-américain, Bruce Lee, c'est quand même, dans son genre, c'est un génie. Il avait développé une maîtrise de son art, donc il pratiquait le Wing Chun, qui est une forme de Kung Fu particulière. De façon, il l'avait amené à son apogée. On peut pratiquer les arts martiaux, mais rares sont les élus qui seraient capables d'obtenir ce niveau de compétence. C'est là où on voit bien qu'on fait avec le mythe, ça fait rêver, ça peut être un but à viser, mais c'est à peu près inaccessible pour 99% d'entre nous. C'est juste quelques-uns qui sont dans ces cas-là des héros, enfin... puisqu'ils ont des qualités, des capacités hors normes. Donc ce qui fait le héros, ce n'est pas la maîtrise du réel, c'est la décision éthique qu'il a d'utiliser cette maîtrise, disons, pour le bien. C'était une histoire particulière, Les Maîtres de l'Esprit, l'histoire du Kyaï ou le cri qui tue, un documentaire de Delphine Chaume et Laurent Polleré. Avec, dans l'ordre d'apparition, Franck-Olivier Laferrère, Frédéric Dambach, Yves Cadeau et Emmanuel Pasquier. Prise de son Mathieu Perrault, Raymond Albouy, YouTube Diego Hac Lopez. Mixage, Catherine Dereté. C'est fini pour aujourd'hui. Mais demain, c'est la suite de ce documentaire que nous entendrons à 13h30. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.